enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cou, se fait un boa. Y'a la qui marmonne, que la grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça. Sa Rolls blanche, elle s'en va place blanche, dans les nightclubs et dans les pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand fou là, oh, mais c'est un beau hein. La semaine, on ne la voit plus. Elle n'a tout de même pas disparu. On peut la retrouver rue des Saint-Pères, décorateur et antiquaire. En complet veston, pleine décoration. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Chez Henri pour boire un coca et demande un whisky pour son boa. Quand il est très tard, on la voit rentrer fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Soa. Elle fut manger cru par son boa. Elle fut manger cru par son boa. Aïe, aïe, on dirait que j'ai l'oreille qui sautille, Madame Gaétane. Est-ce que c'est dans le sautillement traditionnel que je dois normalement entendre toute ma vie jusqu'à la fin de l'émission ou de mon existence? Hein? Soufflez-moi ça à l'oreille, Madame. Ah oui, c'est des bouchons occasionnels. Des bouchons occasionnels. Une autre affaire. Tu ne sais ce que c'est? Une maladie véritable, les gens allaient dire, il va dire une maladie vénérée, non, véritable, ou une maladie imaginaire, ou une maladie inventée par des gens qui travaillent aux soins de la santé mentale. Y en a-tu des maladies inventées? Oh mon Dieu! Si vous restez trop longtemps devant votre micro, vous êtes un micro grondé vers l'intérieur. Donc, il faut peut-être consulter pendant Woody Bedden, là, le réalisateur du Woody Bedden, il fait ça comme 43 ans. Bon. Ben, vous, normalement, c'est 20 ans, là. Puis, le tarif, c'est pas compliqué. C'est $350 par semaine. on va peut-être vous guérir. Sinon, ben, vous allez mourir avec ça, mais d'une manière sereine. Hein? Mourir d'une manière sereine, ce qu'on cherche. Hein? Achetez-vous pas des oiseaux, des serins pour être sereine, puisque vous ne serez pas sereine, même si avec, vous avez des serins. Là, je vous dis pas des, les danseurs de Gilly Boy, là, hey, hier soir, hey, bon, il y avait la grande... elle, c'est la grande Zoa. Mais il y avait la grande drag queen, Elisabeth. Elle se prend pour la reine. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais son problème à lui, à l'origine, là, c'est que c'était un gars qui s'est fait opérer en femme. Puis en femme, il se trouvait pas trop réussi. Fait qu'il a redemandé au gouvernement de lui redonner une seconde opération pour redonner un homme. Donc, il est redevenu un homme. Puis là, ben, il était pas comme à l'origine, parce qu'à l'origine, c'était un homme. Hein? Suivez-vous le fil conducteur. Là. Faut suivre. Attention, ça ira pas loin. On ira pas vite. On est en scooter électrique. Hein? Scooter. La semaine dernière, regarde la petite go, elle sourit. Ah, OK. Continue à sourire. Non, mais ça fait plaisir de voir du monde qui rit parce que il n'y a pas juste le fromage. Là. Il y a du véritable peuple qui peut encore avoir un plaisir. Puis un plaisir à rire. Hein? Pas un plaisir à pleurer. Fais-tu qu'un autre gars? Parce que moi, il me semble que j'ai pas assez pleuré. Ça fait deux semaines que j'ai versé quand même à la main 250 litres de larmes. Puis on me dit que dans mon horoscope, c'est 3100 pour être heureux. On est devant des gens heureux qui semblent si glorieux. Glorieux. Oh mon Dieu, ça c'est une nouvelle varice, glorieux. On vous demande de bidajonner, mironnerer. Bijonner. Aimez à volonté votre cuisse. Flattez-la. Et puis, il ne faut pas parler pour parler, mais parler pour faire évoluer le discours. C'est important. Vos enfants, là. Voyons donc. Emmanuel. C'est l'enfant qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Pas content, là, Emmanuel. Je t'appelle Emmanuel. Réponds. Ton petit chat, je l'appelle... Il s'appelle quoi? Il s'appelle... Pipi-poupou. Hein? Quand je dis pipi-poupou, il est tout excité. Mais Emmanuel, c'est toi, là. Pipi-poupou, c'est lui. Réponds quand je te parle. Emmanuel. Bon, il ne faut pas parler pour parler, mais parler pour faire évoluer le discours. Quand tu seras au cégep, cégep. Non, anciennement, c'était des poufs. Moi, c'était des bancs, puis quand tu te plaçais sur le banc avec des petits poids à l'intérieur, ça faisait pouf. On appelait ça des poufs. Et, c'est vrai. Alors, mais non. Regardez sur des sites Bernet, là, ben serrés, ben peu évolués. Il y en a beaucoup de sites ben peu évolués. C'est pas parce qu'ils sont en flash 90. Hey, nous autres, on était en flash 4 à l'époque, en 97. Hey, on faisait des têtes de mort. Ça faisait peur aux filles. On aimait ça. Ils se collaient sur nous autres. On les embrassait. Ils se cochaient à mort. C'était de l'amour. C'était de la belle amour. De la belle amour. Puis là, maintenant, on est rendu quoi à flash comment? Ça flash plus. Ça flash même. Oh, mon Dieu. Oh, ça flash. On est quoi? HTML, ça c'est quand papa fonctionnait à l'HTML, il faisait son site, là, comment fumer la pipe en trois leçons, en HTML avec des grosses photos, là, GIF pour des animés en trois photos. Tu vois, il y a la boucane, puis papa, grand-papa qui s'étouffait, puis qui était couché à terre, puis grand-maman qui le pompait, ben, qui pompait le cœur pour qu'il puisse revenir pour finir son site Internet. C'était le même à l'époque, là. Aujourd'hui, c'est quoi? Du direct. C'est ça, direct. Tu crèves en direct. On veut te voir en direct. Meurs, puis meurs lentement, parce qu'on aimerait ça filmer, puis appeler les télévisions, dire qu'on a peut-être quelqu'un ici qui va commencer à transiger, là, comment ça nous donnerait de l'argent, puis Il y a des affaires à faire avec ça. Sinon, ben, écoutez, on va couper la ligne. Donc, on n'a rien vu. On n'a rien. Mais la police arrive. Vous nous avez appelé. On n'a pas appelé. Nous autres, on a appelé la télévision. La télévision nous a demandé comment ça coûtait. On leur a donné le prix. Ils n'ont pas voulu. Fait qu'on a coupé la ligne. Mais on connaît pas le gars. Là. On l'a vu le gars de même. Là. Je pense qu'il est au Népal. Ils vont envoyer la police népalaise. Ça, ben, ouais. On ne sait même pas s'il y a une police en Népal. À Népal, là, à Népal ou l'Asie. Vous êtes mêlés, monsieur la police. Madame la policière. Madame, en tout cas, vous êtes combien? Vous êtes 6 polices pour une affaire de même. Voyons donc. C'est comment ça coûte aux contribuables, ça, là, 6 polices. Vous êtes à quoi? 10 piastres d'alors? 5 piastres d'alors? Vous êtes professionnel ou vous êtes à l'essai? Vous êtes à l'essai? Professionnel? Hein? Voyons donc. Appelez le maire, madame. Il dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il va dire, oh, c'est très bien. Oui, oui, voyons donc. 6 polices pour une affaire de même. Mais, c'est pas loin. Québec, c'est au Népal. Oui, ben, à l'origine, ils ne savaient pas que c'était au Népal. Mais voyons donc, moi, là, je n'ai pas appelé la police. Ah, on dispose des affaires à soir, là, 2015, on ne se touche plus à... Oh, 2015, on est tout plus... Hein? Allez-y, monsieur. Oui, monsieur, en 2015, on ne touche plus à rien. Tout se trouve... Ils se retrouvent aseptisés. Les chauffeurs d'autobus ne manipulent même plus les transferts en papier. La société se déchire, se chiffonne. À quand lui mettons-nous le feu? À quand lui mettons-nous le feu? Johnny Hallyday. Mettons le feu, mettons le feu! Bon, OK, merci. On a payé Johnny Hallyday pour 10 secondes. On a payé moyen. On a des artistes de premier plan, Pierre Fort. Il y a un gars qui a des choses à dire depuis 2 semaines, puis maintenant la 3e semaine ce soir. Puis il nous dit, soyez à l'écoute. Lâchez pas. J'étais en train de lire mon chapelet. OK. Avant, je ne faisais qu'exister, mais aujourd'hui, grâce à la carte de membre de CKRL, je vis autrement, pour seulement 25$. Et sincèrement, sans le savoir, je vois la réalité avec beaucoup plus de luminosité et d'intérêt. CKRL, encore plus près de mon cœur. Le pot de mayonnaise. Et ça, je suis très, très intéressé parce que ça fait à peu près un mois et demi que je taquine le public, vous, mes amis, avec le pot de mayonnaise. Mon beau-frère, ça part de là. Mon beau-frère, il y a quelques mois, 2 mois, se rend compte qu'il n'y a plus de mayonnaise dans son frigo. Il a fait cuire du poulet. Il y avait de la salade. Il y avait du pain. Tout pour faire une sandwich au poulet, mais pas de mayonnaise. Fait que là, moi, écoute, j'étais en visite, fait que je lui dis, il n'y a plus de mayonnaise, demain, je vais en acheter. Il va dans le supermarché, achète un pot de mayonnaise, 375 ml de mayonnaise. C'est merveilleux. On a assez pour faire des sandwichs au poulet pendant à peu près 3-4 semaines. Fait que là, son fils, mon neveu, appelle mon beau-frère pour lui... Hein, suivez-vous, mon beau-frère. OK. Son fils, mon filleul, l'appelle parce que sa voiture ne fonctionne plus. Hein? Elle a un problème. Puis il s'imagine, il croit que c'est la batterie. Là, mon filleul dit, ben écoute, je suis membre d'un club dans un magasin de grossistes, donc on va l'acheter ça, là. Ça, je risque d'économiser à peu près 20%. Mon beau-frère dit, OK, on y va. Mais on va aller, en plus, sur place, manger un bon chien chaud. Ça coûte pas cher avec la frite, le chien chaud, puis ça coûte 3-4$, puis on est deux, on mange le chien chaud, la frite, la patate, la liqueur, bon, de la boisson gazeuse. On est heureux, on est des Québécois! Fait que là, une fois arrivé là-bas, bon, ils mangent, et bon, ils rotent, et puis ils ont bien du plaisir. Et ils achètent la pile de la batterie de mon filleul, qui se trouve être son fils, parce que lui, c'est mon beau-frère. Et parce que là, dans ma vie, là, je connais pas trop ça, les beaux-frères, les belles-sœurs, puis je suis bien mêlé. Mais là, j'ai le fil conducteur, OK? Et puis donc, pour ça que je reste concentré, madame, hein, voyez-vous que l'histoire, là, on part pas partout, là. Parce qu'il y a des générations. Moi, les générations, on dit que les schizophrènes ont beaucoup de difficultés avec ça. Donc, j'en suis un. Maîtrisé. Je suis maîtrisé. Les deux bras perdus par l'accident. C'est comme ça que je suis devenu mendiant. Ma mère, elle est au paradis. Et mon père disparu lui aussi. Mais c'est pas le temps. Fait que donc, mon beau-frère arrive avec la pile. Bon, oh, c'est celle-là qu'on va acheter. Hey, c'est vraiment pas cher. T'as raison, c'est 30$ de moins qu'ailleurs. Là, il s'en va à la caisse, mais en passant vers la caisse, il se trouve dans les allées de la nourriture. Puis là, il voit un pot de mayonnaise. Mais là, un pot de mayonnaise de restaurant, là. Un 8 litres. 8 litres de pot de mayonnaise pour 5$. Il avait acheté son 375 millilitres, 5$ aussi. Il dit, « Hey, quelle économie! » Il dit, « J'achète ça! » Fait que là, il lève le pot de mayonnaise. « Amène ta pile, je vais aller là-bas avec le pot de mayonnaise. Amène ta batterie, moi, le pot de mayonnaise. » Fait que là, mon filleul place sa batterie. Mon beau-frère, le pot de mayonnaise, il dit « On va acheter ça. » Ça coûte à peu près 120$, les taxes, tout ça. Il dit « J'ai eu mon pot de mayonnaise pour 5$ et 80$. » Fait que là, il place ça sur la table de cuisine de chez lui. La table en bois a résisté, mais il y a une petite craqueuse. C'est un gros pot de mayonnaise, hein? La table a craqué! Ça a craqué, le pot de mayonnaise! Sa femme arrive, ma soeur. Pas une religieuse, quoi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est pas ça. C'est, hey, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai acheté un pot de mayonnaise, mon épouse. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Hey, on n'a même pas voulu avoir une jument parce qu'on n'a pas de place. Ton pot de mayonnaise, on n'a pas de place. Hey, gars, 5$ pour ça. 5$. Et moi, j'étais là. Je tourne le pot de mayonnaise et je me rends compte que l'expiration était en novembre 2015. Que là, j'ai dit à mon beauf, la chanson de nous, bon beauf, j'ai dit, hey, il faudrait créer des recettes parce que c'est un gars qui aime bien la mijoteuse. Elle crée des recettes avec de la mayo parce que là, t'as quelques mois, on doit passer le printemps, l'été, le début de l'automne, là, mais en hiver, ça va être ta fête si tu finis pas le pot de mayonnaise. Mange ça à cuillère, mange ça comme tu veux, mais faut l'anéantir, le pot. Fait que là, il me dit, toi, tu connais les extraterrestres, tu connais les intraterrestres, ils mangent peut-être de la mayonnaise. Mais non, ils mangent pas de ça, eux autres. Ils sont au-delà de la nourriture. Intellectuellement, ils captent. Ils captent. C'est des vibrations. Ils mangent des vibrations. On n'est pas là encore. Mais si tu vis jusqu'en 2073, si vous êtes là, le public, là, vous avez des enfants, 2073, on ne mangera même plus de nourriture. C'est des captations sonores, des captations auditives, des captations sensorielles. On se nourrit de tout ça. Hey, qu'est-ce que t'as pris à soi, mon champion? Oui, c'est ça. C'est que j'ai pris un mal de dos il y a 3 semaines et demie, puis c'est pas tout à fait guéri. Donc, dans la guérite de mon guétin, j'ai trouvé quand même une charmante demoiselle qui m'a dit « J'étais une ancienne infirmière! » Et monsieur, alors j'ai eu peur. Une ancienne. Quand c'est ancienne, ça veut dire qu'elle a fait un coup pendable. Soit qu'elle a voulu s'exclure parce qu'elle trouvait ça trop désorganisé pour son monde, ou qu'elle a fait une erreur monumentale. J'ai dit, est-ce que c'est l'horreur ou si c'est le bonheur? Elle dit, ça dépend. Oh! Dans son dépend, elle avait un œil titilleux. Un titilleux. Ouvre le son, Gaétan. Titilleux. Hein, ça titille. J'ai dit, oh, voyons, on peut aller plus loin là-dessus, là. J'ai dit, êtes-vous mariés, séparés? On décarte, on joue aux cartes, strip poker, universel. Elle dit, oh non, universel, c'est compagnie disque que je boude. Oh, Martin Boude. Oh, très bien. Mais sinon, ça va bien, vous, madame? Elle dit, oui, vous avez un lumbago? Non, non, c'est pire que ça. Hey, j'ai la vésicule biliaire à l'intérieur du dos qui m'éclate actuellement. Là, c'est comme des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Et j'aimerais crever ma main jusqu'après ma mort pour trouver l'or et la rivière. Où le monde sera peut-être quelque chose d'étrange, mais beaucoup plus ensorcelant que cette petite histoire. Elle dit, je comprends absolument pas. Mais ça tombe bien, moi non plus, madame. Alors donc, on y va presque avec le pot de mayonnaise. On le dit, on l'a raconté, c'est merveilleux. C'est presque vrai, là. Ça, c'est avec des flèches, puis c'est bon, bon signe. Bon. OK. Alors, on vous dit que aujourd'hui, le vendredi 17 avril, puis il fait extrêmement beau. Ouvrez la fenêtre, respirez. C'est un temps merveilleux pour nous. L'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur musical Pierre Fa pour la dernière fois. Alors, on verse une larme, s'il vous plaît. On met le son au max, puis on verse la larme. Ben oui, mais on va le retrouver à un moment donné dans notre parcours radiophonique avec Errance Rénaldienne. Pleurez pas tant que ça. On va revenir. C'est pas la fin. C'est pas notre fin. C'est peut-être la vôtre, mais c'est pas notre fin. Hey, t'es encourageant. On encourage tout le monde. Participer, devenez membre de CKRL. Alors donc, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de notre ami Pierre Fa. Pierre Fa présente. Il se présente lui-même en disant « Mes chansons ne cherchent pas la célébrité, mais pour la célébrité. » Hein? Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « Mes chansons ne cherchent pas la célébrité pour la célébrité. Elles ont plutôt soif d'une certaine qualité d'écoute, d'une résonance amoureuse qui n'a rien de mièvreuse ou de mièvreux. Bien au contraire, c'est la qualité d'une profondeur, d'une complicité qui passe au-dessus et en dessous des mots. Je reste à jamais marqué par les textes et la démarche de Sam Phillips. » Et le piano de Tori Amos. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet être exceptionnel. No space. L-shaped. Tetris. Tile-seeking. Somewhere I'm in love. last night we got this far, but far she says only China is a step aside. Yeah, I make plays for the gambler with my face. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you bring me the head of the girls that I met? I felt the jugglers still through me here. Return this day next year. I felt like shit before, but when I think of my baby leaving, I can't take this smell no more. Should I sleep within here to make the weight of my burden all clear? I'm passing on my highest card. Now the gambler took my part. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you swim with me? I'd be thrilled, honestly. Would you bring me the head of the girl I was with? And all the jugglers still through me here. And all the boxers die, step out of the ring, take their bathrobes and sing. I felt like shit before, but when I think of my baby leaving, I can't take this spell no more. Can't you reel about the gin? Gin the cotton gin. Oh, roll over gin. Gin the cotton gin. Oh, roll over gin. Gin the cotton gin. Out of gin. Gin the cotton gin. Can't you snout of gin? Gin the cotton gin. Oh, roll over gin. Gin the cotton gin. Oh, roll over gin. Gin the cotton gin. Now, what are you doing when you're singing that one? In the cotton patch. In the cotton patch? In the cotton patch. Sounds like to me you were dancing. In the cotton patch, hooping and hauling. So glad we're picking cotton. Picking fast, then. Yes, sir. Picking too. Voilà, petite grande dame, c'est... Mais je... Très sensible, tu sais, je l'avais rencontré dans les cours de chant d'Armande, oui. En Thaï, et tout de suite, dès qu'elle ouvrait la bouche, on se disait waouh, quoi, tu vois. À la limite, c'était comme quelqu'un qui avait des chevaux sauvages dans la gorge, mais qui ne savait pas trop quoi en faire. Et ça, je te parle de ça il y a 10 ans, 12 ans. Et puis, alors à ce moment-là, elle hésitait entre différents styles. Elle disait, ah, je veux faire du blues, je veux faire... Et potentiellement, elle peut. Des fois, c'est ça, quand on a, tu vois, un organe vocal incroyable comme elle. Ben oui, plusieurs choses sont à... Elle peut faire aussi un très bel album de jazz si elle veut un jour. Oui, rien n'est fermé non plus. Donc. Oui, après, il faut quand même faire un choix. Et, pas... et parce que si tu mélanges toutes les couleurs ensemble, ça fait un marronnasse vilain. Oui, c'est ça, oui. Bon. Oui, oui. Donc, il faut quand même dire, bon, là, je vais faire un album rouge, et puis un album bleu, et puis... Bon. Il faut rien s'interdire, mais il faut pas tout mélanger. C'est vrai. Sinon, ça. Alors là, je crois que voilà, elle a trouvé une voie, mais il faut tenir. Est-ce que j'entends tout ça apparaît. Ça me semble très très bien. Oui. Ce que j'ai entendu, c'est des nouveaux morceaux. Oui, oui, oui. Il y a deux mois, parce qu'elle est avec une nouvelle organisation depuis 4-5 mois. Là, elle est sortie un peu de son côté sombre. Et ouais, voilà. C'est comme Robert. Je ne sais pas si tu connais la chanteuse Robert. Oui, pas personnellement, mais je vois qui c'est. Mais... Bon, elle aussi, l'année dernière, elle a vécu quelque chose de très, très dur. Bon, ça ne fonctionnait pas comme elle voulait. Elle s'investit beaucoup. Oui. Et il n'y a pas beaucoup de réactions. Les médias n'embarquent pas. Elle existe depuis 27 ans. Donc, oui. Mais il y a eu comme la Jeanne Masse, Mylène Farmer et Robert. Donc, il y en a une qui s'est malheureusement éclipsée là-dedans, c'est Robert. Oui. Elle a fait cavalier seule. Elle a été récupérée par un parfum, Ange et Démon. Oui. Donc, on lui a demandé de faire un jingle pour ce parfum-là. Ça l'a relancé. Mais là, elle a fait un album. Il y avait le fils d'Alain Delon, Anthony Delon, qui s'appelle Skype, la chanson s'appelle Skype, je ne sais pas si tu la connais, la chanson. Et donc, ça l'a comme encore un peu relancé, mais c'est très, très dur pour elle. Elle fait l'Olympia, mais encore là, elle investit son argent, elle investit tout. Là, mais c'est tellement compliqué, elle m'a appelé. Le 24 juin, sans le savoir, c'est notre fête nationale. Ah oui? Et je travaillais cette journée-là, j'étais au boulot, et là, il y avait un monde fou. Et là, je sentais qu'elle était dépressive, pour ne pas dire suicidaire. À ce point-là, oui. Talent. Et là, j'ai dû m'arrêter quelques minutes, appeler son mari, et bon, pour lui dire, fais gaffe, hein, il y a quelque chose qui se passe. Là. Et quelques semaines après, elle m'a rappelé pour s'excuser. Je dis non, il n'y a aucun problème. Parce que c'est une fille qui vit la nuit. Donc, lorsque tu as des troubles nocturnes, ben, tu appelles au Québec, le décalage horaire. Fille sympathique, incroyable, vraiment généreuse. Puis malheureusement, elle n'a pas le succès que. Je la connais pas personnellement. Moi, j'ai toujours. C'est vrai que j'ai toujours vu les fans de Mylène Farmer s'intéresser à elle comme un écho, comme une résonance, c'est tu ça. Vois. Mais c'est curieux parce que quand on dit une résonance, on pourrait croire que ce serait un copier-coller, que ce serait fabriqué. Alors qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire, je pense qu'elle a plus. C'est comme si la résonance était la vraie chose. Oui, ouais, c'est ça. Et Mylène Farmer peut-être un pastiche de... Mais oui. Ouais, ah oui. Mais bon, le public le saura après peut-être. Mais c'est dommage que de son vivant... La différence avec... quand même la différence avec... mais tu sais, la célébrité, enfin je veux dire Mylène Farmer, c'est... Je ne veux pas parler Jeanne Mince parce que je ne connais pas bien et puis je pense qu'elle n'est pas comme ça, mais je pense que beaucoup de gens célèbres sont des carnassiers. Ce sont des gens qui à un moment ou à un autre ont... phagocyté quelque chose qu'ils ont pressenti, qu'ils ont vu chez d'autres et qu'ils ont monté en épingle. C'est-à-dire qu'ils ont... Il y a toujours un petit larcin, quoi. Il y a toujours quelque chose à ce niveau-là. Hein. Et d'un truc qui était dans l'air et que quelqu'un a pris. On appelle ça un opportuniste. Oui. Tu te rends, on a fait une chanson extraordinaire. Oui. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent, parce qu'il faut aussi un talent pour faire ça. Mais ça prend aussi une maison pour créer le produit. Voilà. Le produit Mylène Farmer, qui s'est très bien vendu. Le mystère Mylène Farmer. Ça prend une maison, mais c'est réciproque. C'est-à-dire qu'il y a aussi des... C'est-à-dire que Mylène Farmer, elle appelle la maison. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est association de malfaiteurs. C'est donna. Puis elle est montréalaise, la poisson Mylène Farmer. Elle est née à Montréal. Non, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris à travers Buzy, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Bertrand Lepage, qui était son premier manager historique, avec qui j'ai passé pas mal de soirées comme ça à parler. C'était, c'était quelqu'un qui était évidemment parfois très exubérant, très extrême et qui pouvait être épuisant. Mais qui était aussi extrêmement touchant. Alors le fait qu'après leur rupture professionnelle, elle ne lui ait plus adressé le moindre mot jusqu'à sa mort, quand il a fini par se suicider, vraiment c'était le jour de la sortie d'un album de Mylène, etc. Et il souffrait énormément qu'elle ne lui adresse pas la parole, qu'elle ne lui dise pas merci, qu'elle ne lui dise pas bon, on est plus ensemble, on travaille plus ensemble, mais bon, souvenons-nous des bonnes choses. Ou, rien, pas un mot. Et ça l'a tué. Pas un mot. Ça, entre autres. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'était pas non plus la seule chose. Non, mais ça fait partie d'eux. Mais ça, du coup, j'ai du mal à accepter la création de cette personne. Je trouve que c'est pas possible. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui moi je ne parle plus parce que la vie nous a séparés, mais je suis pas dans un tel refus. Et si je les recroisais comme ça au hasard d'une rue, je dirais comment ça va. Tu serais pas mal à l'aise quand même d'y rencontrer. Non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Pas longtemps, t'as pas beaucoup de choses à leur... Ça dépend, ouais. Ça dépend. Je crois qu'en tout cas, j'ai pas connu une expérience aussi... Je crois qu'elle avait quand même quelque chose d'assez radical dans sa façon. Et ça, j'ai pas ça en moi. Ça, j'ai pas ça. C'est-à-dire, je peux m'éloigner de gens, bien entendu. Ça, c'est la vie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y avait vraiment une espèce de refus, de négation de l'autre. C'est ça. Il y a une différence quand même entre dire ne travaillons plus ensemble, là on s'entend pas, on a une différence d'humeur, ça me fait du mal. Je peux complètement comprendre qu'elle ait plus envie de travailler avec lui. Ouais. Mais ce déni. Le revers de la main de cette. Voilà, le déni, non. Alles tun, um dich zu halten. Für eine Je me souviens, maman qui nous a élevés toutes seules, nous réveillait pour l'école quand on était gamins. Elle écoutait la radio en beurrant notre pain. Et puis après, elle allait au travail dans le froid la nuit. Ça, c'est du lourd. Ou le père de Magide qui a travaillé toutes ces années de ses mains dehors, qu'il neige, qu'il vente, ou qu'il fasse soleil sans jamais se plaindre. Ça, c'est du lourd. Et puis, t'as tous ces gens qui sont venus en France parce qu'ils avaient un rêve. Et même si après, leur quotidien, il a plus ressemblé à un cauchemar, ils ont toujours su rester dignes, ils ont jamais basculé dans le ressentiment. Ça, c'est du lourd, c'est violent. Et puis, t'as tous les autres qui se lèvent comme ça tard dans la journée, qui se grattent les bourses. Je parle des deux, hein. Celles qui font référence aux thunes, du genre la fin justifie les moyens. Et celles qui font référence aux filles, celles avec lesquelles ils essaient de voir s'il y a moyen. Ça, c'est pas du lourd. Les mecs qui jouent les choses à main devant le bloc, qui deal un peu de coke, de temps en temps un peu de quecra, et il dit je connais la vie moi monsieur, alors qu'il connaît rien le gars. Ça, c'est pas du lourd. Moi, je pense à celui qui se bat pour faire le bien, qui a mis sa meuf enceinte, qui lui dit je t'aime, je vais assumer, c'est rien, c'est bien. Qui va taffer des fois même pour un salaire de misère, mais le loyer qui va payer, la bouffe qui va ramener à la baraque, frère, ça sera avec de l'argent honnête, avec de l'argent propre. Ça, c'est du lourd. Je pense aussi à ces jeunes filles qu'on a regardées de travers parce qu'elles venaient de cité, qu'on montrait à coup de ténacité, de force, d'intelligence, d'indépendance, qu'elles pouvaient faire quelque chose de leur vie, qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient de leur vie. Ça, c'est du lourd. Mais t'as le bourgeois aussi, genre emprunté. Mais attention, hein, je généralise pas. Je dis pas que tous les bourgeois ils sont condescendants, paternalistes ou totalement imbus de leur personne. Non, parce que ça c'est pas du lourd. Je veux juste dire qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui croient qu'être français c'est une religion, une couleur de peau ou l'épaisseur d'un portefeuille en croco. Ça c'est bête, c'est pas du lourd, c'est... La France elle est belle. La France, on l'aime, regarde tous ces beaux visages qui s'entremêlent. Ça, c'est du lourd. Et quand t'insultes ce pays, quand t'insultes ton pays, en fait, tu t'insultes toi-même. Faut qu'on se lève, faut qu'on se batte ensemble. Rien à faire de ces mecs qui disent « vous jouez un rôle » ou de ces haineux qui disent « vous allez vous réveiller » parce que si on y arrive à faire front avec nos différences, sous une seule bannière, comme un seul peuple, comme un seul homme. Ils diront quoi tous, hein? Ben, que c'est du lourd, un truc de malade. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ses gueules, à la galerie je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix. puis vous disiez tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on sent tout seul, peut-être, mais peinard. Et l'on sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Si je voulais prendre le chemin de l'amour, pourrais-je emprunter cette route chaotique, celle qui, devant un hiver, cherchant la neige. Et voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, mais, hey, l'hiver, quand elle cherche la neige, le sol appelle. On appelle le sol. Non, on n'appelle pas le sol, mais le sol appelle, lui, la neige, en disant, hey, viens-t'en, s'il te plaît, moi, là, regarde, je suis prêt, là. On m'a répandu de la douce herbe. Douce herbie, viens-tu ce soir? L'ami de la précarité sonne à nos portes. Les allons propagandistes. Comment? Nos allos, excusez-moi. Allos, ça va très bien. Nos allos propagandistes cherchent le chemin révolutionnaire. Le temps n'est plus précaire. Voyons donc, le chien n'est plus là, macaire. Non, pas macaire, précaire. Cette nuit, tout est possible. La preuve, tout est faux. Faux cils, fausses lèvres, faux seins, et même, elles feignent l'orgasme, la totale quoi. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui cartonne. Parce que moi, j'ai essayé une fille en papier. Oh, mon Dieu. Puis, quand j'ai appelé pour ma poupée gonflable, là, la semaine dernière, j'ai dit... En fait, j'ai appelé. C'était la Scritter. de l'entreprise qui allait fabriquer ma poupée gonflable. Ça répond. Elle lui dit, monsieur, ça t'a dit? On va recommencer ça. Allô, on sonne. Ça sonne. Ça répond. Allô, allô. Oh, est-ce que c'est la voix de ma poupée gonflable? Ah oui. J'ai même pas rien programmé encore, puis elle m'arrive de comme ça. Hey, j'aime ça, cette voix-là, madame. Oui, bon. Hey, madame, excusez-moi, on va baisser le son. Non, le son de votre voix. OK, on va mettre ça à 25. Non, 20. On va essayer 20, vous allez ça? Oui, ah, c'est bon. Aimez-vous ça à 20, vous? OK, mais à 10, peut-être plus 10. Plus 10. À, oui, parlez entre vous, là. 10, comme ça? Ah oui, non, OK, voilà, c'est al dente. Ah oui, madame. Ah, oh, mais c'est Renald Gagné, d'Errance Rinaldienne. Oui, on vous a appelé il y a quelques jours parce que l'animateur aimerait avoir une nouvelle une co-animatrice, là. Mais sans cerveau. Ben, en fait, le cerveau, retirer la cervelle, la matière grise. Hein. Oui. En fait, poupée gonflable. Oui. Vous êtes bien la secrétaire, madame? Oui. J'ai bien appelé le bon numéro de téléphone. Oui. C'est pas une escorte, là. C'est la. Oui, c'est une escorte. Non, non, oui. N'importe quoi, vous, c'est oui, hein? Oui. C'est gratos, hein, pour les animateurs de radio? Oui. Bon. J'aime ça. Ça commence bien l'émission, hein? Aimez-vous ça, Errance Rinaldienne, vous? Oui. Oui. Bon. Vous l'écoutez comment? Sous la douche? Oui. OK. Vous avez une douche téléphone? Oui. OK. Vous parlez avec actuellement, là? Allô? Oui. Oui. Bon. Madame? Bon, là, j'ai une liste ici de prérequis, là. Parce que quand même, là, j'ai ma coquetterie. Oui. Hein, oui hein. Concernant les cheveux. Ça, ces affaires-là, là, ça vient avec des cheveux qu'on veut bien. Oui, oui bon. Moi, je veux pas de lainage, hein, parce que je suis allergique à la laine des moutons, mais je sais qu'il n'y a pas de personnes qui ont ça au niveau du cuir chevelu, hein? Oui. Oui, bon. Moi, ce serait peut-être noir foncé. Parce que j'ai un copain qui a eu noir pâle, puis ah mon Dieu, c'est pas très beau, hein, ça vieillit mal. Puis moi, je veux que ça vieillisse très bien avec nous, là. Tu sais, une discussion. Est-ce que ça a un disque dur, cette affaire-là? Oui. Oui, bon. Je demanderais, moi, un tétra. Oui. Oui, un tétra, parce que c'est le maximum, là. Tu sais, toutes les données que je vais lui offrir, ben, je veux qu'elle les localise à quelque part dans son formatage intellectuel, là. Parce qu'on comprend très bien qu'à l'origine, il n'y a rien. Puis après ça, ben, on commence à construire autour. Hein? C'est un peu... oui. Oui, bon. Et puis, la couleur des yeux, moi, c'est très important, puisque dans le noir, là, j'aime... Est-ce que deux lumières à la place de l'iris pourraient faire affaire? Oui. Oui, bon. Et puis, pas de lunettes, s'il vous plaît, parce que j'ai rien contre les lunettes, là. Ben, ça peut se casser. Des fois, c'est olé, olé, hein? On sait pas où ça s'en va, puis oh! Vous êtes comme ça, vous, madame? Oui, bon. Et puis, à part... Oui, c'est ça, là, on descend la bouche. Ben, la bouche, j'aimerais qu'à l'intérieur, il y ait des dents. Pas à l'intérieur, mais oui, à l'intérieur de la bouche. Et, ben, normalement, là, c'est quoi la normalité? C'est 75 dents? Oui. M'en prendre 96, s'il y en a qui pètent à travers ça. Tu sais, si je l'échappe, puis je vais vous raconter une petite anecdote, madame. Oui. Bon, je prends soin d'un chien qui s'appelle Benjo. Ça, c'est vrai, ça, madame. Puis, je le tenais dans mes bras. C'est un petit chien. C'est un Yorkshire croisé caniche. Il y a 3 mois et demi. C'est 18 semaines. Là, je le tenais dans mes bras, madame, et puis ça s'énerve, ça, hein, les petites affaires de même. Ça, un petit son, là, puis ça peut virer, là, n'importe comment. Là. J'aimerais ça soit comme ça, ma poupée aussi. Oui, oui bon. Mais le Yorkshire qui s'appelle. Il s'appelle pas Caniche, il s'appelle comment? Il s'appelle Benjo. Ben, lorsqu'il s'est agité, j'étais debout. Et le petit chien, il a comme piqué du nez. Il l'a échappé. Il s'est accueilli sur une patte et le tympan de son visage. Ben, c'est du côté gauche de son visage. Puis là, quand je suis allé le voir, madame, je me suis accroupi. Vous savez ce que ça veut dire accroupir? Oui. J'aimerais aussi qu'elle s'accroupisse. Ma poupée, s'il vous plaît. Non, mais tout va selon... Je discute, là, puis je vous fais un profil, OK? Alors, je me suis accroupi parce qu'elle aussi, j'aimerais ça qu'à un moment donné, si je tombe, elle fasse la même chose que moi, J'ai accompagné le chien. En tout cas, c'est Benjo, c'est pas un chien, ça s'appelle Benjo. Et donc, il sortait la langue. Je me dis, mon Dieu, il va me lâcher, puis c'est pas à moi, tu sais. Hey, 400$, reviens à moi, 400$, parce que je l'ai appelé de même, moi, là, dans ma tête. Mais je l'ai pas dit ça, lui, à lui, parce que lui, il disait, hey, yes, yes. Non, non, tu jappes, toi, là, yes. Je dis, il veut devenir animateur de radio, il veut voler ma job, lui, là, là. Ah, yes. Là, je dis, Benjo, Benjo. Il me regarde, voyons donc, il n'a pas donné à boire, là. C'est à boire, mesdames, c'est à boire pour le Benjo. Puis là, le petit ratoureux, là, il avait comme la langue qui sortait au ralenti. J'ai dit, voyons donc. C'est un peu comme, on n'aura pas de nom quand ils se mettent à réfléchir, là. Normalement, ils sont au premier ministre. J'ai eu la petite langue. Je vais lui donner un peu d'eau. Fait que là, je prends son bol, remplis ça d'eau, mis ça en dessous de sa gueule. Puis il va laper. Genre, bon, au moins, il y a comme un sens primal qui se révèle à lui. Là, il commence tranquillement à reprendre du sien. Là. Ça fait 2-3 minutes. Il reprend du sien. Mon Dieu, on croirait un jeune de 15 ans. Hein? Là, il reprend du poil d'abeille, c'est quoi de le dire. Puis là, il me mordit, puis il m'attaque, puis il commence à me tuer, puis oh, j'ai dit le fun! Oui, bon, c'est un peu de moi que je vous ai parlé là. Oui, je divulgue des choses comme ça. Je suis un grand livre ouvert à la page 69. Oui. Oh, OK. Hey, on va arrêter ça là parce qu'ils vont me mettre aux petites heures, plus aux petites heures encore que ça. Puis là, je dis plus petit, c'est bien beau là, d'avoir des lunettes, mais à un moment donné, on sait plus lire là. Non, ça, c'est ma petite hôte d'adrénaline, d'abrévamine, la vermine, la grosse vermine qui est tombée là. Puis là, moi, j'aime pas ça, ces bébêtes-là, hein, on les connaît pas. Puis si la poupée pourrait sniffer la vermine puis la chasser, un peu comme un chien boxeur. Oui. Bon. Et puis, à part là, ça, ben, c'est à peu près tout, là. Le bas, ben, j'ai aucun problème avec ça. Puis le reste aussi, là. Le coffre, pas de problème. Moi, là, j'ai déjà deux serviettes. Coffre, serviette. Hein? Aimez-vous mes blagues, madame? Oui. Oui, bon. Allez-vous continuer à m'écouter? Oui. Excellent. Alors, donc, comme je le disais, tout est faux. Faux cils. Bah, la mienne, là, les cils, mettez-vous pas de cils, je m'en balance. Faux cils, fausses lèvres. Moi, je veux de la babine, madame. De la belle babine. Pas de la petite babine. De la belle babine. De la babine québécoise, là, qui a pas peur de dire « Moi, j'aime de bichoubi. Moi, j'aime de bichoubi. » Mais avec pas une voix comme ça. Comme la vôtre, madame, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, comme la voix. Ah, c'est bon. Une voix comme la vôtre. Il en existe pas deux. Ce n'est pas celle des autres. Oh non, bébé. C'est quelque chose de mieux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Un mot en anglais, bébé. Pas Brigitte Bardot, reste Brigitte au pied. Tranquille, Brigitte, bébé. Bébé. Non, c'est ma peluche, je l'ai appelée Brigitte Bardot, ça s'excite. Brigitte Bardot, Bardot. Un jour la vie est belle, une euphorie nouvelle. Pour un oui, pour un non, tout va bien pour de bon. Un jour je suis croyant, végétalien, pratiquant. Plus de sel ni de pain, plus de lait ni de vin. Un jour je m'exaspère, j'ai pas les mots, je les perds. Je trépigne, je m'égare. Un jour je ressemble à mon père. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. Un jour je donne, je donne, je donne, je donne. Le cœur sur la main. Sur le cœur. Un jour je parle fort, à raison et à tort. Je m'emballe, je digresse. Je m'affale et vous délaisse. Un jour je bois du noir, miné par mes déboires. De la veille et de l'avant-veille. Et tout à coup, tout m'émerveille. la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. Plus, pas le coup, pas un clou. Moitié plein, moitié bu. Tout est flou, tout est faux. Et toc, un coup du ciel à nouveau, la vie est belle. Pour un oui, pour un non. Tout va bien, pour de bon. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. C'est la crise, c'est la crise. On va s'y faire. Je pense que c'est une erreur. Je crois. Peut-être qu'elle le traîne un peu avec elle, et voilà. Ça la regarde. Oui, c'est ça, c'est pas en tombe. Ça la regarde. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu Bertrand complètement par hasard dans Mon oncle d'Amérique, dans le film Rennais. Parce que quand il est arrivé à Paris, jeune homme, il faisait des figurations, il faisait des Très beau film. Hein. Oh, j'adore. Gérard Depardieu, tout ça, Gérard Depardieu, voilà. Gérard. Eh bien, dans le film, il est le grand frère du petit Gérard Depardieu. Ok, ah oui. Voilà. Okay. Alors on le voit quelquefois à l'écran comme ça. C'est drôle parce qu'on le voit à deux âges différents, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il est censé avoir 13-14 ans et un autre où il est censé avoir 24-25 ans et c'est le même. Et c'est possible, ça. Ouais, c'est, ouais, il ouais, était ouais. dans les deux. Quoi, bon, bref, voilà. Donc sinon, voilà, donc j'ai fait un deuxième album. Ok, oui. Et ça ici, c'est Alors ça, c'est un très bon ami, c'est Paul okay. Abirached. J'aime bien la pochette. Hein, voilà, c'est un album de jazz. Alors okay. là, on est vraiment dans une balade musicale, donc c'est piano-guitare, c'est okay. un tandem piano-guitare. Alors moi, sur cet album-là, je n'ai rien fait. Okay. Mais fait la promotion. Mais Paul a joué sur le nouveau Paper Moon. Okay. Il a joué sur deux chansons de l'album. Okay. Et puis, il joue régulièrement avec Emma Solal, avec mon ami ah, Emma. Oui, je connais. Oui, j'ai l'album. Tu as l'album. Oui, voilà. Excellent, que je diffuse régulièrement. Ça te plaît. Ah, oui, génial. Oui. Ben c'est pas, dame, hein? Tu vois, ben c'est pas facile pour Emma non plus. Hein. C'est, ah non? C'est difficile d'être. Ça, c'est son plus récent ou elle en a oui. un autre? Mais là, il y a un nouveau projet en cours. Okay. C'est au mois de ça, janvier. Ça fait quand même deux ans, cet album. Oui. Ouais. Au mois de janvier, elle a un nouveau spectacle au Déchargeur, une nouvelle résidence. Trois mois, j'ai plus si affinité. Okay. Ça s'appelle Message personnel au pluriel. Et c'est basé sur les chansons de Françoise Hardy. Voilà. Revisiter l'univers voilà. de François. Avec Paul Abirached à la guitare et Philippe Estria qui joue avec nous avec Paper Moon à la batterie. Oh, et toi? Donc, alors moi, on parle de faire une chanson ensemble. Okay. Laquelle? Je ne sais pas encore. C'est, non, parce qu'on va essayer. C'est-à-dire on va en essayer deux, trois. Parce qu'on a des idées pour changer en duo des chansons qui n'en étaient pas au début. Okay. Et on va voir ce qui marche le mieux. Donc là, c'est le travail de fin août. Là. C'est ce qu'on va faire fin août. Et c'est quoi? C'est l'univers François Sardi des années 80 et pas des années... De tout. C'est-à-dire non, mais les trois chansons. Ah! Mais sans les dévoiler, là. Ah, les trois sont du début des années 70. Oh, OK. Voilà. OK. Oui, oui, je vois très bien. Mais affaire à suivre, hein, parce oui, que je te ben dis oui, ça, oui, et si oui. ça se trouve, on va aller ça jeter peut être toutes autre les... Chose. Voilà. Oui, parce que toi, tu as ton idée, lui va avoir ouais. son idée, et... ouais. c'est la collaboration. Voilà, et puis l'arrangement, et puis c'est... Voilà, il faut essayer quand même, hein, un petit peu avant de... Les projets, c'est comme les gens qui me disent, des fois quand je fais des pochettes, les gens qui viennent me voir, ils me disent, bon, alors moi, je voudrais ci, ça, ouais, comme ça, c'est pochette. Compliqué. Ça, c'est je lui dis, ça, c'est des mots. On ne ouais. travaille pas avec des mots, on travaille avec des images. Donc, il faut voir. Et je t'ai déjà parlé de Yann Péchin, hein. Il travaille ouais. avec des chanteurs, des chanteuses pas très connues, sans formation. Et ce qui fait rire le plus, c'est quand la chanteuse lui dit « Veux-tu me faire un bleu? » Ah, oh, bien sûr. Oui. Oui. Mais Yann est capable de faire un bleu, lui. Oui, il est capable de tout. Oui, c'est ça. Donc, il y a autant la formation classique, jazz, rock, blues. Donc, il peut faire n'importe quelle couleur. Et je ne sais pas si tu l'as déjà vu en spectacle. Alors... je l'ai souvent vu sur scène, pas lui en solo, mais je l'ai souvent vu avec Brigitte Fontaine, avec des tas de gens, bien sûr. est-ce qu'on peut dire que c'est un être habité? C'est incroyable. Oui, évidemment. Incroyable. Et même dans la vie, tout le temps. Oui, effectivement. La dernière fois, j'ai croisé rue Oberkampf. On a l'impression qu'il traversait la rue Oberkampf. Il reste à côté. C'est comme s'il était sur scène et qu'il fonçait à sa guitare. Ah oui, il est dans son monde. Hein. Il était à l'anniversaire de Busy. OK, oui, oui, oui. On a chanté des chansons, toute la soirée. Ben oui, c'est de là que tu... Ben lui, il reste sur la rue Oberkampf. Et il est très souvent au Charbon. Alors, si tu veux le visiter le soir, c'est clair. Un ami extraordinaire. Je sais qu'il est, il connaît bien Isée aussi. Oui, Isée. Il y a même il y a eu un projet au début de la carrière d'Isée, mais là, bon, ça ne s'est pas concrétisé puisque Yann est demandé partout. Puis c'était la tournée Higelin, donc il devait pratiquer. Le vampire Higelin, il était au rendez. Mais un jour, ça se fera. Tu sais, c'est fou parce que il y a des coïncidences comme ça. Bon, ça, je l'ignorais, mais ça me paraît assez logique. Et par exemple, on a été faire des photos avec Iris de Pepper Moon. J'avais lu dans Le Monde un papier sur une espèce de station balnéaire désaffectée dans l'Oise, un complexe nautique des années 20, des années 1920, donc art déco un peu, années 20-30, et à l'abandon. Et j'aime bien les lieux comme ça, comme dans la balade de Johnny James et les No Man's Land. Et je me suis dit, tiens, on va emmener Iris avec des ballons là-dedans, avec sa fraîcheur, son côté printanier, des ballons, et on va la mettre dans ce contexte à l'abandon, pour un petit contraste. Et on va faire donc des photos à cet endroit, c'est à Boran-sur-Oise. On trouve un trou dans le grillage pour rentrer, tout ça, et puis on va faire ça. Et vraiment, mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que 15 jours, 3 semaines après, alors qu'on ne s'en était pas parlé, Isée a fait des photos au même endroit. Terrasson, Pierre Terrasson, elle a fait la même, l'a emmené là. Il a dit, alors bon, eux, ils n'avaient pas trouvé l'accès dans le grillage, ils sont allés en bateau. Okay. Ah bon, c'est un endroit spécial, on peut y aller qu'en bateau. J'ai dit, non, il y a un trou dans le grillage. Voilà, c'est ça. Et elle a fait des photos au même endroit, c'est fou. Alors vraiment, ça, tu vois, donc ça ne m'étonne pas pour Yann Péchin. Je suis sûr qu'un jour, ils feront un truc ensemble, parce que ça, c'est logique. C'est le même univers. C'est logique. Ouais. C'est logique. Et, ils ont un truc, ils ont des pièces de Lego qui s'emboîtent très bien. Et toi, à part la tournée que tu prépares à l'automne, as-tu des choses? Tu sais, là, mine de rien, regarde. Là, cet automne, déjà, je sors deux albums. C'est beaucoup. Ton groupe et toi. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est du travail. Parce que là, c'est la tournée par la suite, de toi et de ton groupe. Oui. Tournée de moi en France, ça va être vite vu. Hein. Je vais faire peut-être deux dates et demie, mais peut-être en Suisse. En Suisse, ils m'aiment bien. Et même mieux, ça passe mieux en Suisse. Please. partout 24 heures. Je reviens au printemps. Un printemps sous le siège 29 bleu vert pastel. Change mes émissions. Prépare-toi avant, là. Bon, il y a des préludes dans la vie. Lance-toi pas sans filet. Au contraire, moi, le filet, c'est pour les peureux. Les gens qui osent pas. Comme disait... Ah non, il va réciter. Ben oui, il faut avoir des citations. Comme ça fait plus intelligent. Quand tu sais pas quoi dire, tu lances les cassettes de citations. Moi, dans le cervelet, là, j'ai 8 rangées de cassettes. De 2 secondes chacune, quand même. En fait, je les ai subtilisés de mon poisson, de mon poisson rouge. Parce que tout le monde sait que j'ai un poisson rouge. Non, vous saviez pas, madame? Non. En fait, j'en ai eu plusieurs, puis ils m'ont dit, garde ça dans l'eau, ça mord, sinon... Ben, je sais, voyons, non, je savais pas. Moi, là, c'était... C'est, est-ce que ça fait partie des animaux domestiques? Les poissons rouges? Ben là, ça dépend quelle sorte, là. Si c'est pas une anguille... Oh non, moi, y a pas de roche, moi, là. Je suis pas mystérieux, là. Le mystère, ça fait pas partie de mon monde. Quoique, quand on voit... Attends un petit peu, petit coquin. Lorsqu'on voit te passer dans la rue, toi, là, comment? Lorsqu'on te voit passer dans la rue. Oui, OK, la rue, OK, ouais. T'as l'air mystérieux, toi, là. Comment ça, j'ai l'air mystérieux? Ben oui, hey, capuchon, par-dessus les oreilles, des écouteurs, comment t'appelles ça? Donc, Bluetooth, bleuté. Comme tes petits yeux quand tu reçois des petits coups à margoulette par ta charmante épouse qui aime bien les... Les contacts... Et c'est quoi ça? Ça, c'est un petit peu de violence dans sa tête, OK. Et puis donc, c'est ça, quand tu te promènes en noir avec le capuchon, les écouteurs qui ne laissent pas entrer le son, parce qu'il y a un blocage au niveau de la casquette auditive, qu'on appelle casque d'écoute. Hein? Non, mais tout a un nom. Si tu sais pas le véritable... t'en inventes un. Mais ça s'appelle un casque d'écoute. Je le sais, je l'ai appris à l'école. Allez à l'école, vous allez apprendre bien l'affaire. Mais c'est ça. Donc, quand tu te promènes dans la rue, là, t'es comme Claude. Je l'ai dit souvent, t'es le louche. Oui. C'est quoi la citation, je le dis? Ah oui. Je préfère me tromper que de me taire. Je préfère me tromper que de me taire. Ben, mais Namelette, c'est qui a lancé ça? Ben, les gens qui écoutent Terrence Reynaldine le savent très bien, là. C'est la tour de Babel qui s'appelle Jacques Babel. Le grand Jacques Babel. Et ce sont la morue jusque dans le cœur des frites quand leur grosse main invite à revenir en plus-puis. Se lèvent en riant dans un bruit de tempête, ramènent leurs braguettes. Non, remontent leurs braquettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent et qui chantent et qui rechantent. Non, c'est qu'ils boivent. Ils boivent et boivent et reteboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam. D'Hambourg ou d'ailleurs, enfin, donnez-moi lui aussi, qui boivent aux dames, qui leur montent le joli corps, qui leur montent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent au ciel, se mouchent dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, Qui télécharge mes émissions? La Gestapause, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? C'est une interprétation très, très libre de... Enfermez-moi, je suis trop libre, moi, là. Est-ce que ça se peut que certaines personnes souffrent de trop de liberté? Intéressant, là. Hein? Professeur de philosophie, au cégep, université, à prématernelle. Non, mais quoi? Il devrait avoir de la philosophie en prématernelle. Et dire aux enfants, « Bonjour, les enfants! » Là, je vous parle à bébé parce que je suis dérangé. Parlez à vos enfants d'une manière plus adulte. Tu sais, dans la vie, comme disait Darwin, tout est une question d'étage. Le sous-sol est le septième ciel. CKRL ouvre les esprits. Les esprits, comment? CKRL ouvre l'esprit, les esprits pour les plus réfractaires. Nous possédons le décapsuleur, nous, ici. Devenez membre pour seulement 25$ et on s'occupe du reste. Ensemble, nous irons un peu plus haut, un peu plus loin. Hey, c'est quand même l'interprétation. Ça fait ton école, oui, à l'école de Lévis, moi, le théâtre de l'école de Lévis. J'ai pas été gradué. On m'a exclu, on m'a dit, va-t'en faire les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. Il n'y a pas de boulevard ici? OK? Mais là, est-ce que j'ai le droit de mettre un peu d'ambiance, là? Non, pas vraiment. Il est 2h moins 10, puis c'est pas le moment. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey, j'ai cherché mon sifflet avant d'arriver ici. Je me suis fait couper le sifflet par le temps. Ils m'ont dit, hey, attends pas trop longtemps, toi, là, là. Tu le trouves pas, ton sifflet. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. L'autobus n'attend pas. L'autobus de la vie part à des heures précises et se termine à un moment précis que tu ne sais même pas. Mais lorsque tu connais l'heure de passage, si t'es pas dans le passage, ben ils vont pas t'attendre. Sauf si t'es habitué. De, comment ça, là, le gars bizarre avec le capuchon n'est pas passé. C'est son heure, normalement, c'est son heure. Ça a peut-être été son heure pour le septième, là. Ah, mon Dieu, il y a peut-être des grands boulevards. Il y a tant de choses avant. Non, mais quand même. Et puis, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Quand même, il me semble que l'élan est pas mal... Le catapulteur a catapulté. Comme des... Comment il s'appelait, le pauvre qu'on a enfermé? Nelligan. Ah, que le catapulte a catapulté. Hey, je viens de faire un œuf, ça tombe bien. Est-ce que j'aimerais ça qu'il soit à la coque? Comment je fais pour le savoir? Faut l'extirper. Oh, pas belle couleur, ça. Comment ça, c'est. OK, il y a des yeux blancs, des yeux bruns. Lui, c'est au chocolat. C'est comment ça? Hein, regarde l'autre qui. C'est pas un. Mais on va mettre ça de côté. Comment ça fond? Mais mets ça de côté, on va analyser ça tantôt, OK? On va appeler des chimistes. On a des numéros de certains chimistes à Limoilou là, qui font des... hein? Mais ouais, c'est... Placez ça de côté, OK? On va arrêter, on va en discuter après. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons, je l'ai faite celle-là, allons séchoir vers les couloirs d'improvisation avec ce fil arial narratif comme tout à l'heure. Hé, hey, voyons donc, oui, la même feuille! Oh non! L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. L'avenir, c'est à ceux qui sont membres de CKRL. Pour seulement 25 $, offrez-vous de l'imaginaire et de la culture à volonté. Des animateurs enflammés viennent tour à tour vous livrer leur passion. Quoi de mieux dans ce monde où les stéréotypes et le préfabriqué règnent? Qu'une radio qui nous ressemble comme CKRL doit rester. Oui! Elle doit rester! Donc, devenez membre pour 25 $. Alors, cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots cette phrase, celle-ci que j'ai énumérée dans quelques secondes. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue la tirade suivante. J'espère que ça sera intéressant pour moi, là. De la filière à la civière. Oh, mais ça, c'est une histoire vécue, ça. De la filière à la civière. Est-ce que je peux prendre de... Parce que j'ai une sécheresse. Puis je me suis amené du tire-bouchon. Oui. Merci. Non, mais c'est très important. Oh, il n'y a plus de glace, malheureusement. Mais c'est pas grave. L'eau pas de glace, c'est quand même très bon. Même un peu chaud, ça raffermit, hein. Ça... Il y a 10 jours... M'en vais à l'hôpital. Toujours l'hôpital. Bon, là, depuis quelques années, là, c'est pas pour moi, c'est toujours pour les autres. Jamais j'irai moi-même, sauf pied devant. Je me rendrai pas compte, moi, là. On pourra pas me dire, à quel hôpital vous voulez aller, M. Grenier? Non, je veux rien savoir des hôpitaux. Mais, j'y vais pour une proche, donc, je suis toujours à côté de mes baskets, comme Claude Nougaro. Puis je reçois un message cellulaire. Puis le son de la personne qui m'appelle souvent est tout à fait. C'est la même, là, la même personne. Je sais pas quel cellulaire elle utilise, là, mais elle parle pas dans le trou, là. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Mets-toi peut-être un petit fluo, puis tu parles devant le fluo. Je t'entends pas quand tu parles. Je t'entends. M'entends-tu? Oui, malheureusement. Fait que là, elle m'appelle. Puis là, elle dit, oh, hey, écoute, bon, elle est hospitalisée. Je dis, oh, bon, OK, c'est triste. Bon, je vais aller la voir. Puis là, j'ai dit, où est-elle? Bon, à cet hôpital-là. Puis là, elle me dit, c'est filière 30. J'ai dit, OK, filière 30. Et là, je raccroche. Je travaille la nuit. J'arrive à 8h20 à l'hôpital, 6e étage. Non, à l'urgence. Et je demande à la réception. C'est écrit réception bénévole. Bon. Donc, tu sais que C'est là qu'ils vont te renseigner, mais ils gagnent pas une maudite scène. Donc, c'est pour la passion des malades. Fait que, passionné des malades, c'est quand même intéressant, là. Puis, j'arrive là-bas, puis je dis, bonjour, madame est entrée à l'hôpital à 3h15 du matin, puis bon, elle s'est cassée, bon. Et puis là, elle me dit, oui, là, je sais pas où elle se trouve exactement, mais on m'a dit filière 30. Elle a dit, ah non, c'est pas filière, c'est civière. Là, je me dis, bon, elle est bénévole, peut-être elle est... Ça souffre de surménage, puis on n'en fait pas assez. Fait que je rentre à l'intérieur, c'est écrit réception. Je dis, mon Dieu, c'est chez nous. Ça, la réception, elle m'a dit tantôt, réception, je vois réception, ça va bien, là. J'ai mes repérages, je stresse pas trop, là. J'ai le capuchon un peu plus relaxé, puis la gorgotte va bien, puis la salive aussi. Le dentier colle, j'avais mis il y a 2 semaines du contreplaqué avec des vis. Non, mais je me suis dit, il faut que ça arrête de tomber parce que j'ai l'air assez étrange lorsque je parle puis que ça tombe. Il y a assez que ma moumoute, j'ai mis du velcro, ça tient bien encore. Moi, là, ma vie tient à pas grand-chose. J'éternue, tout tombe. Tout tombe, mon esprit, ma compréhension, mon savoir-faire, physiquement, ben là, les yeux, les lunettes, les bras, les jambes, tout est vissé dans le nombril. Fait que c'est pour ça que je m'enlève pas les dents. Jamais. Je laisse la poussière là. Je rajoute un petit peu de colle pour ramasser le reste. Bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que là, j'arrive à la réception. Oh, ça va bien. Donc, la dame m'a dit, tu rentres à l'intérieur. Et là, il y a une infirmière, non, une secrétaire ou une infirmière secrétaire, je ne sais pas. Et là, je m'informe, j'ai dit, bonjour, madame est entrée d'urgence à l'hôpital à 3h15 du matin, filière 30. Là, elle me regarde, elle dit, non, c'est civière 30. Bon, ben là, j'ai dit, si la première m'a dit civière, puis l'autre me dit civière, ben civière, c'est pas filière. Là, je me disais, avant d'aller là, là pendant 4h30, 5h, parce que je suis à 8h, 8h15, je dis, c'est bizarre, hein, appeler à l'hôpital des endroits, là, filière. C'est comme à la morgue, là. Tu dis, tu sais, le gars qu'on a trouvé à moitié mort, puis qui a agonisé, qui est arrivé en ambulance, mais en 8 pièces. Il y avait 8 ambulances pour le gars. On a mis ça dans un sac. On l'a rebouché. Pas le gars, mais le sac. Là, il nous manque quoi là-dedans? Là, il nous manque l'ongle, le polaire, puis quoi donc? La matière grise, ben là, c'est un Québécois, lui? Bon, ben là, écoutez, il y a deux sortes, il y a deux matières, là, le haut puis le bas. Hein? Puis si vous trouvez dans le milieu la solitude, on va le, parce que ça va intéresser les poètes, on va mettre ça dans le formol. Nos grands poètes québécois, là, on va leur proposer de se l'appliquer à même le derrière de la tête pour être inspiré, quoi. Okay. Et puis, ouais, ça, c'est la filière 30, OK? Alors, tu tires, puis tu vas placer le gars, OK? Parfait. Si tu trouves d'autres membres, tu places ça là-dedans, c'est le même gars. Bon. Fait que là, je dis filière 30, ça fait un peu morgue, hein? Puis là, je dis, quand même, civière, ça fait encore vivant, là. Il est sa civière. Après ça, il part de la civière au sac en plastique. Là, c'est fini, là. Quand on t'entoure, après ça, avec du ruban, c'est fini. Tu peux rester membre de CKRL, là. Si tu restes 3 mois, tu restes membre. Mais fais-toi-en pas, là. Non, mais ça peut être troublant pour les gens, là. Thank you. De mes cinq petites pisseuses, j'ai préféré la six. Ouais, pour toi, ça monte un. J'ai balancé mes cinq. Je les avais limées, limite jusqu'à l'intox. De mes cinq petites pisseuses, j'ai préféré la six. De mes chansons, ça leur va bien. Je ne veux pas tomber dans le cliché, mais c'est vrai que ils ont pas forcément besoin qu'on mette un gros beat pour qu'ils aiment ça. Enfin, tu vois, là, ça se passe bien avec eux. Bon, bref. Et bon, moi, j'aimerais bien retourner au Japon, personnellement, et faire quelque chose avec un guitariste qui était sur le deuxième Paper Moon, Toshiya Fueoka, qui est un mec dont j'adore le son de guitare, qui est très... Il a eu un petit groupe qui s'appelait Mondialito avec sa copine. Et sa copine écrivait en français. C'est une japonaise qui écrivait en français. Alors avec les petites erreurs charmantes que ça peut occasionner, mais en tout cas, pas si mal hein, quand même. Elle a vécu à Paris, enfin c'était pas quand même n'importe quoi. Il y avait des approximations, Mais ce qui était intéressant, c'est la façon de placer les mots sur la musique qui était spéciale. Bref, Toshiya, j'aime beaucoup ses guitares et on s'est toujours dit, enfin, depuis quelques années, qu'on aimerait faire un truc ensemble. Donc si j'ai du temps là, après la tournée, je resterai bien un petit peu plus longtemps là-bas pour faire quelque chose avec lui. Voilà, ça ce serait formidable. Et à part aussi ta tournée que tu prépares là, à l'automne. Oui, oui, c'est ça. Quelques dates, 12 dates à peu près. Je ne sais pas combien. Alors, okay. On va aller en Corée, c'est sûr, et en Chine. Ça, à l'heure qu'il est, c'est sûr. Les deux pays, on n'a pas les détails, mais on sait que ça, c'est des endroits où on va retourner. En Corée, parce que... Alors là, je ne l'ai pas, parce que j'en avais très très peu, donc j'en ai qu'un en archive chez moi. On a fait un EP avec une chanteuse coréenne. Ok. Qui s'appelle Shiwa. En anglais? Alors, deux chansons en coréen, deux chansons en français, une chanson en anglais. Voilà. Donc, c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'il y a deux... Je lui ai donné deux musiques qu'elle a écrites en coréen. Ok. Elle m'a donné deux chansons à elle que j'ai faites en français, que j'ai écrites en français. Et on a fait une chanson ensemble, c'est la première que j'ai faite en anglais. Okay. Donc, parce qu'on était là-bas dans le contexte, on parlait tout le temps anglais, alors bon, finalement, c'est venu comme ça. Bref, et donc j'aime beaucoup ce petit EP, qui pour l'instant n'est sorti qu'en Corée. Il est peut-être sur iTunes, remarque dans le monde, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais c'est un label coréen. Hein, okay. Bon. Et j'aime bien la pochette, le son, tout, enfin je suis content de tout. Et là, on a fait une télé avec elle là-bas quand on y était, avec Elsa. Oh, c'est bien. Et... c'est le 17 juillet là, sur la télé, sur une chaîne de télé coréenne qui s'appelle EBS. Bon, okay. Qui est un peu comme notre Arte ici. Oh, oui. Quoi. Ou CBS peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Non, c'est plus petit, c'est educational, c'est hyper educational, tu vois, donc c'est plus la chaîne culture. Oh, un peu, oui, bon. Comme Radio-Québec à Québec ou Télé-Québec à Québec. Sûrement. Oui, sûrement. Oui. Et on a fait aussi d'ailleurs, tiens, pour l'anecdote, qu'on était en Chine avec Elsa, donc elle avait quelques concerts en Chine où je jouais et. À un moment, on lui a donné le contact, on dit tiens, appelle-la de notre part, c'est le copain à elle qui lui ont donné le contact d'une femme productrice en Chine. On ne savait pas beaucoup plus, on ne savait pas de quoi elle était productrice, c'était un peu vague. C'était nébuleux, ouais. Voilà. Et elle l'appelle quand elle arrive à Pékin, puis en fait, c'est une femme qui était productrice pour CCTV, pour la chaîne nationale chinoise. C'est quand même quelque chose. Un gros truc. C'est ça. Et qui lui dit, écoute, on fait une émission quotidienne autour de la Coupe du Monde. On a besoin d'artistes qui illustrent les pays présents dans la Coupe du Monde, donc la France. Donc, quand es-tu libre? Bon, ok. Et donc, on s'est retrouvés à jouer La Vie en Rose sur CCTV, comme ça, le 15 juin. Combien de musiciens? 2-3? Non, c'était elle et moi, seuls, live. Ah, ça devait être assez spécial. Mon Dieu, Rénald, j'étais dans un état de nerfs. C'était très désagréable. Est-ce qu'on peut voir le... On l'a mis sur la page d'Elsa, là. Ah, je vais aller voir. Parce que sinon, sur le site de CCTV, tu ne peux le voir qu'en Chine. Okay. C'est-à-dire, c'est bloqué pour le reste du monde. Ouais. Mais là, des copains en Chine nous l'ont sorti et on l'a mis sur la page d'Elsa. Et puis, quand tu te regardes... Ça va mieux que je ne pensais. Okay. Moi, je l'ai très mal vécu, honnêtement. Okay. C'était gros pour toi, là. Bah, t'imagines? Oui, j'imagine très bien. C'est genre 1 milliard de téléspectateurs. Puis en plus, c'est bang, c'est là, tu l'apprends comme ça, là. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait faire... quand ils nous ont dit qu'on allait faire la Vie en Rose, par exemple, comme standard, ils voulaient un standard. Bon. Alors, on s'est dit, bon, OK, entendu, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais joué, ni jamais chanté. Ouais. Voilà, donc on se dit, bon, c'est un challenge, mais alors sur le moment, on l'a répété dans des concerts avant, on la faisait en rappel. Okay, vous l'avez déjà fait? Non, mais deux fois avant. Okay, c'est tout. Okay. Alors moi qui suis plus japonais dans l'âme, c'est-à-dire que je ne suis pas fan de l'improvisation. Non. C'est Jean-Sébastien Bach avec la télévision. Il aurait gagné la Starac, et qui veut gagner des millions? Si l'homme de Cro-Magnon avait pu faire des photos, il y aurait des Polaroïdes partout dans la grotte de Lascaux. Mais comment est-ce qu'on faisait avant? Mais comment est-ce qu'on faisait dans le temps? Mais comment est-ce qu'on faisait avant? Mais comment est-ce qu'on faisait dans le temps? Jeanne d'Arc avait pu consulter le Minitel. Sur 36 cases au feu, elle aurait vu que ça chauffait pour elle. Si Bernadette Soubirous avait eu une caméra, on aurait su si elle l'avait vue ou bien si elle était gaga. Mais comment est-ce qu'on faisait avant? Mais comment est-ce qu'on faisait dans le temps? Mais comment est-ce qu'on faisait? faisait avant. Mais comment, comment, comment est-ce qu'on faisait dans le temps? Si Marie-Antoinette avait eu l'internet, elle aurait vu que Louis XVI lui ferait perdre la tête. Et si Napoléon avait eu un GPS, il aurait su que c'était plus court par Overace. Mais comment, comment, comment est-ce qu'on faisait avant? Mais comment, comment, comment est-ce qu'on faisait dans le temps? Mais comment, comment, comment est-ce qu'on faisait avant? Mais comment, comment, comment est-ce qu'on faisait? Faire ma première télé en direct. Bon, parce qu'on avait fait à combien de millions, tu m'as dit? Un milliard. Un milliard, ok. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, je te dis ça, je les ai pas comptés un oui, par non, un. Oui, non, non, faut pas. Mais CCTV, c'est partout dans le monde. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir juste le territoire chinois. Mais la chaîne, au moment de la diffusion, elle est pour toute la diaspora chinoise dans le monde. Oh c'est-à-dire oui, c'est fou. À Toronto, c'est-à-dire oui, oui, tu oui, sais, oui. Partout. Oui, oui. Dans les circuits fermés. Elle est en France. Je veux dire, on n'a pas, par exemple, on n'a pas la NHK, la chaîne nationale japonaise. On n'a pas la NHK, mais on a CCTV ici. Tu vois, pour te dire. Ah, c'est, oui, c'est voilà, c'est partout. Ah, oui. Et alors... on a des amis, on ne l'avait pas dit là-bas à nos amis en Chine parce qu'on se disait, non, mais si jamais ça tombe à l'eau ou quoi, on ne veut ouais. pas décevoir. Ah oui, c'est ça, on ne veut pas non plus qu'à notre image, ouais. Voilà, genre qu'on ait l'air de mythomane. Oh, oui, c'est ça, mythomane, ouais. On le dira quand on y sera. Ok, ok. Pas de fausses promesses. Et en fait, il y a des gens, si tu veux, qui étaient dans des cafés, tu sais, où il y a la télé, où il y a des écrans, etc., qui ont tourné la tête et qui ont vu Elsa. Et c'est toi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? La vie en rose. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Hey Pierre, c'est drôle. Pierre, oui. Merci d'être passé à mon émission. Ah, c'est terminé. Oui, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, j'avais même pas conscience qu'on faisait une émission. Ah oui, je me suis rendu compte à un moment. À pâton rompu, à pâton rompu. Ah, mais ton chien a l'air très sympa. J'ai vu les photos là où vous êtes dans la neige et tout. Il est marrant, non? Oui, c'est une mission qui a de chien. Mais c'est pas à moi ce chien-là. Ah je... bon? Non, je le garde. Il y a bien des choses comme ça. Donc là, du coup, ça veut dire que quand tu pars, il est chez lui habituel. C'est chez ça, exactement. Mais on a comme une sorte de relation assez particulière, au même titre que Vanille, le chien de la rue des Abbesses. Est-ce que tu passes souvent à côté de la bouche de métro? Ouais. Bon, ben il y a un chien qui est là. Ouais. Est-ce que tu le vois? Non? Je vais te montrer. Non. Alors, ce chien-là a une vie, OK? Oui. Il réside sur cette rue-là depuis des années et il appartient au propriétaire du kiosque ah, oui? à journaux. Ah, d'accord. Donc, je vais te présenter Vanny, qui est un de mes sympathiques amis que je rencontre à chaque année et qui vient manger avec moi. Ah, alors je crois que oui. Il s'appelle Vanille. D'accord, je ne savais pas. Et c'est une femelle. D'accord. Alors nous avons une sorte de lien assez intime. Mais merci Pierre d'être passé à mon émission. Oh, ben de rien, avec plaisir. Mais puis, merci, écoute, c'est juste ça. Quoi. On se retrouve au Québec. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je n'ai pour l'instant, tu es mon seul contact au Québec. Ben, c'est déjà bien. Je n'y connais personne à part toi. Donc, c'est très, tu vois, c'est très... Ça me fait plaisir, Pierre. Je n'ai pas c'est un problème pour moi. Des fois, je ne suis pas très, très ambitieux sur le plan matériel. J'ai des ambitions artistiques. Okay. J'essaye de faire un maximum de choses. Mais alors, par contre, pour ce qui est de démarcher, de faire des trucs, là, je suis un peu à la masse. Mais voilà. Écoute, ça va faire plaisir d'éventuellement faire quelque chose pour tes albums en les diffusant sur CKRL, comme je le fais depuis déjà un an, grâce à Bozzy, notre ami. Super. Oui. Et donc, tu lui diras bonjour de ma part. Alors, si jamais ça t'amuse de croiser Armande, je dis la semaine prochaine. L'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Parce que là, tu es complet. Ben, écoute, là, je fais 5 rencontres. Là, je m'en vais à midi ici au Sancerre. Ah oui, rencontrer Julia Pacôme. Ah, qui c'est? C'est une chanteuse. D'accord. Oui, chanteuse-comédienne. D'accord. Donc, une dame extraordinaire. Donc, je dois m'aligner. Mais je vais m'en occuper. Je m'occupe de la... Oui, ça fait plaisir. Moi, j'ai tiré du liquide exprès tout à l'heure. Ben voyons. Ben voilà, comme ça. Mais je suis sûr que l'an dernier, c'était toi, alors c'est mon tour. Oui, ben oui. Ben, c'est pas grave. Ben, merci. De rien, avec plaisir. Puis merci pour les disques que je diffuserai. Je t'enverrai les liens, je t'enverrai... Il faut que je te laisse. Je vais te laisser le nouvel album. Mais alors, tu, tu me dis que tu es au 7 rue Bruant, c'est ça? Oui, Aristide Bruant. C'est juste ici, OK, ouais. Au café, là. Tu tournes ici, c'est juste à droite. D'accord. Ça, c'est écrit plugin. Plugin. Oui. En tournant à gauche, tu vas voir plugin. Et à mon nom, Rénal Gagné, R-A-Y-N-A-L-D. Ouais. Est-ce que je peux prendre une photo? Parce que je sais que t'es très, tu fais attention à ton image. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime pas trop ma tête en général. Mais fais-la, vas-y. OK. Pense-en, okay. Bien sûr. Y a pas mais pourquoi sur ton Facebook, faut... on ne te voit pas la gueule? Il faut que... Oh, parce que la tête du chanteur, tu sais. Bon. Mais voyons, mais non, mais là, on ne sait pas qui c'est. Oui. Là, si pourquoi... Tu... Mais là, moi, je viens à côté de toi. Parce que, ah oui, mais on y va. Oh, OK. On regarde avant? OK. Parce que je sais que t'es pas très... On reprend? Allez, okay. C'est pas mal. Ah ouais. Oh, OK. OK. Merci. Voilà. Non, merci, c'est moi, Pierre. Vraiment. Puis il y a la revoyure, hein? Oui. L'année prochaine? Oui. On sait jamais. Oui, oui, oui. Et je paierai cette fois-ci. Cashing in. movie just grand. They're playing the band when they swing that music. Oh, I'm happy as I can be when they swing that music for me. With my eyes I see all of the glee. The bees and the knees when they swing that music. Red like that makes me smile. Oh, you can't blame me, I've gone for a while. From what has been said, I'm getting ahead. I'll swing it a bit. When you swing that music with me. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.